Ladies and gentlemen, the Jimi Hendrix Experience. Votre attention, s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. Jimi Hendrix ne pourra pas être là ce soir. Il a eu un empêchement, il a mal au ventre. Je vais donc le remplacer. Et je vais faire une chanson. Hop là. Alors, c'est comment ça déjà? Médecin généraliste, je prescris à mes patients de bons médicaments. Un petit coup de cafard, vite un petit pétard, une petite mine, des amphétamines. Mes patients sont friands, c'est bien inquiétant. Si ça continue, moi il ne m'en restera plus. Oh non, ouais, moi, ma mat, médecin généraliste, je prescris à mes patients de bons médicaments. C'est pas vraiment fini en fait. Ça fait plus de 10 ans que je me farcis des études qui m'embêtent. Et maintenant, que vais-je faire? Mon fils, tu seras médecin. Je peux sauver des vies? Non, pas vraiment, mais c'est presque aussi bien. Tu peux écouter la madame Suzy, qui a son dentier qui tient pas bien. Elle est pas chez son dentiste, mais préfère quand même aller chez son médecin qui la reçoit tellement bien. Elle sait qu'elle est pas chez son dentiste, mais préfère quand même aller chez son médecin qui la reçoit tellement bien. Tenez, madame Suzy, pour votre dentier des cachets d'ecstasy. Quand vous aurez tout pris, n'hésitez pas à revenir lundi. Car moi, ma mat, médecin généraliste, je prescris à mes patients de bons médicaments. Parti, enfin parti, c'est moyennement parti en fait. Y'a dame Suzy et ses copines qui pensent plus qu'à s'en mettre plein la tête. Tous les lundis, dame Suzy vient chercher son ecstasy. Elle m'envoie ses copines qui me demandent de la cocaïne. Moi je lui dis, dame Suzy, franchement vous exagérez. J'ai pas assez de matos pour enfiler à tout le quartier. La dame Suzy, elle pète les plombs, elle devient complètement ouf. Il faut sa cam, il faut son kiff, il faut sa dose, il faut sa schnouf. Quand je vois ça, moi je dis les jeunes, franchement faut pas se droguer. Regardez dame Suzy ce qu'elle était et regardez comment elle est. Ou alors si un jour vous avez l'occasion de le faire, bah le faites pas. Et si vous le faites vraiment, bah faites appel à moi, ma mat, médecin généraliste, qui prescrit à ses patients de bons médicaments. Un petit coup de cafard, vite un petit pétard, une petite mine, des amphétamines ou de la cocaïne. Mes patients sont friands, c'est bien inquiétant. Ça leur a beaucoup plu, il ne m'en reste plus. Oh non, et moi, ma mat, médecin généraliste, j'ai prescrit à mes patients de bons médicaments, médicaments, médicaments, médicaments, médicaments. Merci Woodstock. Merci. Je voulais remercier Carlos Santana pour la première partie, ainsi que Janis Joplin.